Une page d'histoire inédite de Guy de Maupassant. Publié le 27 octobre 1880 dans Le Gaulois. Tout le monde connaît la célèbre phrase de Pascal sur le grain de sable qui changea les destinées de l'univers en arrêtant la fortune de Cromwell. Ainsi, dans ce grand hasard des événements qui gouvernent les hommes et le monde, un fait bien petit, le geste désespéré d'une femme, décida le sort de l'Europe en sauvant la vie du jeune Napoléon Bonaparte, celui qui fut le grand Napoléon. C'est une page d'histoire inconnue, car tout ce qui touche à l'existence de cet être extraordinaire et de l'histoire. Un vrai drame corse qui faillit devenir fatal au jeune officier alors en congé dans sa patrie. Le récit qui suit est de point en point authentique. Je l'ai écrit presque sous la dictée, sans y rien changer, sans en rien omettre, sans essayer de le rendre plus littéraire ou plus dramatique, ne laissant que les faits tout seuls, tout nus, tout simples, avec tous les noms, tous les mouvements des personnages et les paroles qu'ils prononcèrent. Une narration plus composée plairait peut-être davantage, mais ceci est de l'histoire et on ne touche pas à l'histoire. Je tiens ces détails directement du seul homme qui a pu les puiser aux sources et dont le témoignage a dirigé l'enquête ouverte sur ces mêmes faits vers 1853, dans le but d'assurer l'exécution de l'ait stipulé par l'empereur expirant à Sainte-Hélène. 3 jours avant sa mort, en effet, Napoléon ajouta à son testament un codicille qui contenait les dispositions suivantes. « Je lègue, écrivait-il, 20 000 francs à l'habitant de Bocconiano qui m'a tiré des mains des brigands qui voulurent m'assassiner. 10 000 francs à M. Visavona, le seul de cette famille qui fut de mon parti. 100 000 francs à M. Jérôme Lévy. 100 000 francs à M. Costa de Bastelica. 20 000 francs à l'abbé Reccio. » C'est qu'un vieux souvenir de sa jeunesse s'était, en ces derniers moments, emparé de son esprit. Après tant d'années et tant d'aventures prodigieuses, l'impression que lui avait laissée une des premières secousses de sa vie demeurait encore assez forte pour le poursuivre, même aux heures d'agonie. Et voici cette lointaine vision qui l'obsédait quand il se résolut à laisser ses dons suprêmes aux partisans dévoués dont le nom échappait à sa mémoire affaiblie et aux amis qui lui avaient apporté leur aide en ces circonstances terribles. Louis XVI venait de mourir. La Corse était alors gouvernée par le général Paoli, homme énergique et violent, royaliste dévoué, qui haïssait la Révolution, tandis que Napoléon Bonaparte, jeune officier d'artillerie alors en congé à Ajaccio, employait son influence et celle de sa famille en faveur des idées nouvelles. Les cafés n'existaient point en ce pays toujours sauvage, et Napoléon réunissait le soir ses partisans dans une chambre où il causait, formait des projets, prenait des mesures, prévoyait l'avenir, tout en buvant du vin et en mangeant des figues. Une animosité déjà existait entre le jeune Bonaparte et le général Paoli. Voici comment elle était née. Paoli, ayant reçu l'ordre de conquérir l'île de la Madeleine, confia cette mission au colonel Cesari en lui recommandant, dit-on, de faire échouer l'entreprise. Napoléon, nommé lieutenant-colonel de la garde nationale dans le régiment que commandait le colonel Kenza, prit part à cette expédition et s'éleva violemment ensuite contre la manière dont elle avait été conduite, accusant ouvertement les chefs de l'avoir perdue à dessein. Ce fut peu de temps après que des commissaires de la République, parmi lesquels se trouvait Salicetti, furent envoyés à Bastia. Napoléon, apprenant leur arrivée, les voulut rejoindre. Et pour entreprendre ce voyage, il fit venir de Bocconiano son homme de confiance, un de ses partisans les plus fidèles, Santo Bonelli di Riccio, qui devait lui servir de guide. Tous deux partirent à cheval, se dirigeant vers Corte, où se tenait le général Paoli que Bonaparte voulait voir en passant. Car ignorant alors la participation de son chef au complot tramé contre la France, il le défendait même contre les soupçons chuchotés. Et l'hostilité grandie entre eux, bien que vive déjà, n'avait point éclaté. Le jeune Napoléon descendit de cheval dans la cour de la maison habitée par Paoli, et confiant sa monture à Santo Riccio, il voulut tout de suite se rendre auprès du général. Mais comme il gravissait l'escalier, une personne qui l'aborda lui apprit qu'en ce moment même avait lieu une sorte de conseil formé des principaux chefs corses, tous ennemis des idées républicaines. Lui, inquiet, cherchait à savoir quand un des conspirateurs sortit de la réunion. Alors, marchant à sa rencontre, Bonaparte lui demanda « Eh bien ?» L'autre, le croyant un allié, répondit « C'est fait, nous allons proclamer l'indépendance et nous séparer de la France avec le secours de l'Angleterre. » Indigné, Napoléon s'emporta, et frappant du pied, il cria « C'est une trahison, c'est une infamie !» quand des hommes parurent attirés par le bruit. C'étaient justement des parents éloignés de la famille Bonaparte. Eux, comprenant le danger où se jetait le jeune officier, car Paoli était un homme à s'en débarrasser à tout jamais et sur le champ, l'entourèrent, le firent descendre par force et remonter à cheval. Il partit aussitôt, retournant vers Ajaccio, toujours accompagné de Santo Riccio. Ils arrivèrent à la nuit tombante au hameau de Arca de Vivario et couchèrent chez le curé Arrighi, parent de Napoléon, qui le mit au courant des événements et lui demanda conseil, car c'était un homme d'esprit droit et de grand jugement, estimé dans toute la Corse. S'étant remis en route le lendemain dès l'aurore, ils marchèrent tout le jour et parvinrent le soir à l'entrée du village de Bocconiano. Là, Napoléon se sépara de son guide en lui recommandant de venir au matin le chercher avec les chevaux à la jonction des deux routes. Et il gagna le hameau de Paggiola pour demander l'hospitalité à Félix Tusoli, son partisan et son parent, dont la maison se trouvait un peu éloignée. Cependant, le général Paoli avait appris la visite du jeune Bonaparte, ainsi que ses paroles violentes après la découverte du complot, et il chargea Mario Peraldi de se mettre à sa poursuite et de l'empêcher, coûte que coûte, de gagner Ajaccio ou Bastia. Mario Peraldi parvint à Bocconiano quelques heures avant Bonaparte et se rendit chez les Morelli, famille puissante, partisans du général. Ils apprirent bientôt que le jeune officier était arrivé dans le village et qu'il passerait la nuit dans la maison de Tusoli. Alors le chef des Morelli, homme énergique et redoutable, instruit des ordres de Paoli, promit à son envoyé que Napoléon n'échapperait pas. Dès le jour, il avait posté son monde, occupé toutes les routes, toutes les issues. Bonaparte, accompagné de son hôte, sortit pour rejoindre Santo Riccio. Mais Tusoli, un peu malade, la tête enveloppée d'un mouchoir, le quitta presque immédiatement. Aussitôt que le jeune officier fut seul, un homme se présentant lui annonça que dans une auberge voisine se trouvaient des partisans du général en route pour le rejoindre à Corte. Napoléon se rendit près d'eux et les trouvant réunis. « Allez, leur dit-il, allez trouver votre chef. Vous faites une grande et noble action. » Mais en ce moment, les Morelli, se précipitant dans la maison, se jetèrent sur lui, le firent prisonnier et l'entraînèrent. Santo Riccio, qui l'attendait à la jonction des deux routes, apprit immédiatement son arrestation et il courut chez un partisan de Bonaparte nommé Visavona, qui savait capable de l'aider et dont la demeure était voisine de la maison Morelli où Napoléon allait être enfermé. Santo Riccio avait compris l'extrême gravité de cette situation. « Si nous ne parvenons pas à le sauver tout de suite, dit-il, il est perdu. Peut-être sera-t-il mort avant 2 heures. » Alors Visavona s'en fut trouver les Morelli, les sonda habilement, et comme ils dissimulaient leurs intentions véritables, il les amena, à force d'adresse et d'éloquence, à permettre que le jeune homme vînt chez lui prendre quelque nourriture pendant qu'il garderait sa maison. Eux, pour mieux cacher leur projet, sans doute, y consentirent, et leur chef, le seul qui connut les volontés du général, leur confiant la surveillance des lieux, rentra chez lui pour faire ses préparatifs de départ. Ce fut cette absence qui sauva quelques minutes plus tard la vie du prisonnier. Cependant, Santo Riccio, avec le dévouement naturel des Corses, un prodigieux sang-froid et un intrépide courage, préparait la délivrance de son compagnon. Il s'adjoignit 2 jeunes gens, braves et fidèles comme lui. Puis, les ayant secrètement conduits dans un jardin attenant à la maison Visavona et caché derrière un mur, il se présenta tranquillement au Morelli et demanda la permission de faire ses adieux à Napoléon, puisqu'il devait l'emmener. On lui accorda cette faveur, et dès qu'il fut en présence de Bonaparte et de Visavona, il développa ses projets, hâtant la fuite, le moindre retard pouvant être fatal au jeune homme. Tous les trois, alors, pénétrèrent dans l'écurie, et sur la porte, Visavona, les larmes aux yeux, embrassa son hôte et lui dit « Que Dieu vous sauve, mon pauvre enfant, lui seul le peut !» En rampant, Napoléon et Santoriccio rejoignirent les deux jeunes gens embusqués auprès du mur, puis, prenant leur élan, tous les trois s'enfuirent à toutes jambes vers une fontaine voisine cachée dans les arbres. Mais il fallait passer sous les yeux des Morelli, qui, les apercevant, se lancèrent à leur poursuite en jetant de grands cris. Or, le chef Morelli, rentré dans sa demeure, les entendit, et comprenant tout, se précipita avec une physionomie si féroce que sa femme, alliée au Tuzzoli, chez qui Bonaparte avait passé la nuit, se jeta à ses pieds, suppliante, demandant la vie sauve pour le jeune homme. Lui, furieux, la repoussa, et il s'élançait dehors quand elle, toujours à genoux, le saisit par les jambes, les enlaçant de ses bras crispés. Puis, battue, renversée, mais acharnée en son étreinte, elle entraîna son mari qui s'abattit à côté d'elle. Sans la force et le courage de cette femme, c'en était fait de Napoléon. Toute l'histoire moderne se trouvait donc changée. La mémoire des hommes n'aurait point eu à retenir des noms de victoires retentissantes. Des millions d'êtres ne seraient pas morts sous le canon. La carte d'Europe n'était plus la même. Et qui sait sous quel régime politique nous vivrions aujourd'hui? Car les Morelli atteignaient les fugitifs. Santoriccio, intrépide, s'adossant au tronc d'un châtaignier, leur fit face, criant aux deux jeunes gens d'emmener Bonaparte. Mais lui refusa d'abandonner son guide qui vociférait, tenant en joue leurs ennemis. « Emportez-le donc, vous autres, saisissez-le, attachez-lui les pieds et les mains. » Alors ils furent rejoints, entourés, saisis, et un partisan des Morelli, nommé Honorato, posant son fusil sur la tempe de Napoléon, s'écria « Mort aux traîtres à la patrie !» Mais juste à ce moment, l'homme qui avait reçu Bonaparte, Félix Tuzzoli, prévenu par un émissaire de Santoriccio, arrivait escorté de ses parents armés. Voyant le danger et reconnaissant son beau-frère dans celui qui menaçait ainsi la vie de son hôte, il lui cria, le mettant en joue, « Honorato, Honorato, c'est entre nous alors que la chose va se passer !» L'autre, surpris, hésitait à tirer, quand Santoriccio, profitant de la confusion et laissant les deux parties se battre ou s'expliquer, saisit à plein bras Napoléon qui résistait encore, l'entraîna, aidé des deux jeunes gens, et s'enfonça dans le maquis. Une minute plus tard, le chef Morelli, débarrassé de sa femme et en proie à une colère furieuse, rejoignait enfin ses partisans. Cependant, les fugitifs marchaient à travers la montagne, les ravins, les fourrés. Lorsqu'ils furent en sûreté, Santoriccio renvoya les deux jeunes gens qui devaient le lendemain les rejoindre avec les chevaux auprès du pont du Tchiani. Au moment où ils se séparaient, Napoléon s'approcha d'eux. « Je vais retourner en France, leur dit-il. Voulez-vous m'accompagner? Quelle que soit ma fortune, vous la partagerez. » Eux lui répondirent « Notre vie est à vous, faites de nous ici ce que vous voudrez, mais nous ne quitterons pas notre village. » Ces deux simples dévoués garçons retournèrent donc à Bocconiano chercher les chevaux, tandis que Bonaparte et Santoriccio continuaient leur marche au milieu de tous les obstacles qui rendent si durs les voyages dans les pays montagneux et sauvages. Ils s'arrêtèrent en route pour manger un morceau de pain dans la famille Mancini et parvinrent le soir à Ucciani, chez les Pozzoli, partisans de Bonaparte. Or, le lendemain, quand il s'éveilla, Napoléon vit la maison entourée d'hommes armés. C'étaient tous les parents et les amis de ses hôtes, prêts à l'accompagner comme à mourir pour lui. Les chevaux attendaient près du pont, et la petite troupe se mit en route, escortant les fugitifs jusqu'aux environs d'Ajaccio. La nuit venue, Napoléon pénétra dans la ville et se réfugia chez le maire, M. Jean-Jérôme Lévy, qui le cacha dans un placard. Utile précaution, car la police arrivait le lendemain. Elle fouilla partout sans rien trouver, puis se retira tranquille et déroutée par l'habile indication du maire qui offrit son aide empressée pour trouver le jeune révolté. Le soir même, Napoléon, embarqué dans une gondole, était conduit de l'autre côté du golfe, confié à la famille Costa de Bastellica et caché dans les maquis. L'histoire d'un siège qu'il aurait soutenu dans la tour de Capitello récit émouvant publié par les guides, est une pure invention dramatique aussi sérieuse que beaucoup des renseignements donnés par ces industriels fantaisistes. Quelques jours plus tard, l'indépendance corse fut proclamée, la maison Bonaparte incendiée et les trois sœurs du fugitif remises à la garde de l'abbé Reccio. Puis une frégate française qui recueillait sur la côte les derniers partisans de la France prit à son bord Napoléon et ramena dans la mère patrie le partisan poursuivi, traqué, celui qui devait être l'empereur et le prodigieux général dont la fortune bouleversa la terre.